N'ai-je pas donné des avertissements aux hommes de se tenir éveillés, tant qu'ils sont en ce monde, de peur que quelque souffle de vanité ne détourne leur voyage au ciel? Et pour ce qu'il y a des femmes mariées, des veuves, et des jeunes filles, voici un exemple qui ne les laissera pas s'endormir aux vanités du monde. Il y avait dans une cité d'Italie une femme noble, qui était tenue comme sainte par sa conversation. Elle était aumônière, placée aux bonnes œuvres, et dévote, et entretenait sa famille dans la crainte de Dieu. La mort venue, étant dans une telle réputation, elle laissa une fille fort pieuse, laquelle faisait journalièrement oraison pour sa dite mère. Or, il advint après quelques semaines, étant en oraison en sa chambre, la jeune fille se sentit soudain assaillie d'un tremblement, et regardant du côté de la porte, elle vit un monstre, qui semblait être un porc écorché, qui dégageait du feu et très grande puanteur de partout. Épouvantée, elle courut vers la fenêtre pour se jeter en bas. Mais au même instant elle entendit derrière elle une voix qui lui dit « Reste fille, reste fille ». Confortée de Dieu, elle s'arrêta pour entendre ce que le monstre lui dirait. « Sage fille, que je suis ta malheureuse mère. » Malgré la vie irrépréhensible vécue en la présence des gens, néanmoins, à cause des vilains péchés que j'ai commis avec ton père, et que je n'ai jamais confessé par honte, je suis à présent damnée en enfer. Elle demanda à sa mère quelles étaient ses peines en enfer. La plus grande peine est la privation de voir Dieu. Puis la crainte de ne jamais devoir sortir de ses peines ou blasphème les damnés, répondit-elle. Dès l'instant que mon âme fut séparée de mon corps, sans être bien confessé, je fus porté par des démons devant le tribunal de Jésus-Christ, qui me sentencia, et je fus aussitôt précipité aux enfers. Et elle dit de ne plus rien lui demander. Puis elle s'avança vers le banc et le coffre, à l'entour du lit, et imprima des marques, comme le ferait un fer brûlant. Et elle fut reportée par les mêmes démons en enfer. La jeune fille, qui fut très affligée de la damnation de sa mère, partit à l'église, après avoir recouvert les marques et fermé la chambre. Elle s'adressa au prédicateur, appelé frère Damien de Crémone, qui prêchait le carême, c'est-à-dire la dévotion à jeun. Après lui avoir tout raconté, quand il aperçut les marques de pas et sentit la puanteur, la jeune fille lui dit d'annoncer cet exemple en public. Ce qu'il fit souvent et avec grand bruit. Ce récit me fut raconté de vive voix, par le révérend père franciscain Alexandre Capouche, en Sainte-Marie-Nouvelle de Florence, environ l'an 1560 de Notre Seigneur, étant là comme étudiant en théologie.